toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Dans ce nouveau numéro, je vous propose de partir à la découverte d'une exposition à parcourir tout au long de l'été au château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire. Son nom, Des rôles et l'anatomie. Une exposition exceptionnelle pour renouer avec son corps et la nature en cette année de Jeux Olympiques où justement le corps et l'esprit sont à l'honneur. Cette dernière s'est ouverte ce 12 juin et restera installée jusqu'au 31 octobre 2024. À la fois artistique, scientifique et pédagogique, inspirée de l'ouvrage « Des rôles, leçons d'anatomie » par le médiatique médecin urgentiste Gérald Kierzek, cette exposition invite petits et grands à mieux comprendre leur corps pour en prendre soin. Une exposition qui crée le lien entre notre corps, la planète et la préservation de la biodiversité au fil d'un parcours immersif multisensoriel dans le parc, les jardins et les caves du château de la Bourdaisière, en 8 étapes où se mêlent jeux, installations ludiques, œuvres de land art et planches des rôles. Nous avons eu la chance d'assister à l'inauguration de cette exposition présentée par le prince Louis-Albert de Broglie, propriétaire de la Bourdaisière, qu'il qualifie de lieu laboratoire de tous les grands sujets autour de la biodiversité et de la conduite du changement. La Bourdaisière est un lieu qui croise une vision pédagogique, scientifique, artistique, dont l'exposition « Leçon d'anatomie » succède à une exposition « Dessine-moi ta planète » et qui faisait évidemment le bonheur de ceux qui croient à une écologie positive, une écologie du partage, une écologie des solutions. Cette biodiversité dont on parle ici avec le Conservatoire National de la Tomate, avec ses 785 variétés de tomates, Nicolas Toutain, le chef jardinier, ne me contredira pas, parce que c'est lui qui m'a donné le chiffre, le Conservatoire du Dahlia, la forêt, le Festival de la forêt, tout ceci, c'est l'action pour mieux comprendre, mieux mesurer l'importance du vivant dans notre vie. Gérald Kierzek, célèbre médecin urgentiste, conseiller médical de la plateforme Doctissimo, chroniqueur sur France Bleu et bien entendu co-auteur de l'ouvrage « Des rôles, leçons d'anatomie », s'est exprimé à son tour. Merci d'avoir confié le portage de ce projet. Alors je pensais au début quand j'ai accepté, moi j'adorais les planches anatomiques, donc j'ai accepté en me disant « je mettrai 2-3 petits commentaires, ça va aller vite l'été dernier, etc. » Et en fait, 2-3 petits commentaires, ça a été beaucoup plus, puisqu'il y a toute une partie pédagogique, comme je l'expliquais, chacun peut aller chercher un peu des informations, les chiffres, les choses insolites et des conseils de prévention. Tu parlais de la nature, on est une espèce parmi d'autres, et je crois que ça c'est important d'en prendre conscience, sauf que on peut prendre soin, on a ce niveau de conscience qui permet de prendre soin justement de notre corps, et c'est probablement, on est peut-être la seule espèce à en avoir cette conscience-là. Les autres espèces le font inconsciemment, nous on le fait consciemment, et je crois que c'est une vraie chance de pouvoir justement prendre soin de son corps. On n'en prend pas assez soin. Alors ça, c'est le corps, c'est l'exposition très centrée sur le corps. Il y a le corps, il y a le cœur, puis il y a l'esprit aussi. Je crois que c'est important, et quand tu parlais d'humanisme, c'est ça, c'est cet esprit qui nous insuffle. Alors il y a l'oxygène, qui est l'insufflation, mais il y a aussi l'esprit, et ça, l'esprit, il est partout, et on le sent d'ailleurs dans ce très beau lieu de la Bourdaisière. On le sent à travers toi aussi, et cette incarnation, et on est là finalement de passage, donc autant que ce passage soit le plus long possible et le plus agréable possible, et c'est vraiment tout l'objectif de l'ouvrage, de l'exposition, d'être avec un corps qu'on chérit, dont on prend soin. On rentre dans une période de Jeux Olympiques, l'activité physique, on en a parlé avec coach sportif ce matin, c'est fondamental, l'athlète. On n'est pas tous des athlètes, mais on peut tous bouger. Et on sait que tout ça, c'est à portée de main, parce que finalement, les conseils, c'est pas tellement des choses compliquées. Hein. C'est manger, bouger, tout ça, c'est en lien avec la nature. Quand ça va pas, les médecins, modestement, ou les chirurgiens peuvent réparer. Merci Louis-Albert, en tout cas, de m'avoir fait l'honneur de co-écrire ce livre et puis de le prolonger avec cette exposition, qui sera prolongée probablement par une version enfant. Bien que ce livre-là, les enfants l'adorent, mais on fera quelque chose vraiment dédié pour les plus petits, et puis peut-être au-delà d'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une version animée par exemple. Merci à tous et merci d'être venus. Présent également, Vincent Morette, maire de Montlouis et président de la communauté de communes Touraine-Est-Vallée, a tenu quant à lui à remercier l'équipe de la Bourdaisière pour toutes les actions et animations proposées à l'année. Moi je voulais juste, en tant que maire de Montlouis, vraiment me réjouir d'avoir ici le château de la Bourdaisière. Vous savez peut-être tous que dans notre belle région, il y a des châteaux un peu partout. Chaque commune a son château, petit ou gros. Bon, on rivalise pas avec Chambord, on n'en est pas loin. Mais ce qui compte ici, la Bourdaisière, c'est d'avoir autre chose qu'un simple château. On a autre chose, on a notre château, ton château, mais aussi une multitude d'actions, d'animations qui vont toutes dans le même sens d'ailleurs. Il y a une réflexion, une unité dans tout ce qui est proposé ici qui fait vraiment plaisir à voir. Nous sommes ici dans un lieu exceptionnel. Voilà, je voulais le dire devant toi, Louis Albert, parce que franchement, tu nous régales à chacune de tes, tes inventions. Je regarde celui qui est souvent à la manœuvre, Cyril, il y a l'écureuil qu'on oublie un petit peu, parce qu'il se cache toujours un peu derrière. Mais à chaque fois que je viens ici, qu'on discute avec Louis Albert et Cyril me dit « Ah, il a encore une nouvelle idée. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va réussir à le faire ?» Eh bien, moi, je peux attester que toutes ces excellentes idées trouvent leur conclusion. Il n'y a pas d'idée en l'air. Moi, je m'adresse à vous parce qu'on a la chance, à Mont-Louis, d'avoir Louis Albert qui gère ce domaine de façon exceptionnelle. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Dérolle, leçon d'anatomie, une grande exposition parcours en 8 étapes ludiques et immersives qui invite les petits et les grands à découvrir chacune des grandes thématiques liées au corps, la santé, le bien-être et la nature. Vous avez évidemment envie d'en savoir plus, et bien suivons le guide en la personne de Louis-Albert de Broglie lui-même. Louis-Albert de Broglie, aujourd'hui nous avons assisté à une magnifique exposition. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'émergence de cette idée ? De quoi c'est venu ? Alors d'abord, nous sommes au château de la Bourdaisière, qui est le temple de l'observation, comme la maison d'Hérolles. C'est un lieu laboratoire qui porte le sujet du vivant, de la biodiversité, j'allais dire, proche de chacun, avec le Conservatoire national de la tomate. On se délecte tous les jours de ce fruit. On devrait savoir qu'il y a des saisons, donc il faut connaître un tout petit peu effectivement la magie des légumes et la culture des fruits. Et puis, c'est le lieu aussi du Conservatoire du Dahlia, du Festival de la Forêt. Donc, nous sommes, nous, conscients que la biodiversité a l'air d'être ailleurs, mais elle est en nous. Nous sommes partie de cette grande famille du vivant. Et à ce titre-là, une exposition sur l'anatomie était bien naturelle, mais pas n'importe quelle leçon. La maison d'Hérolles, leçon d'anatomie, son corps, son premier capital, c'est la découverte à travers les planches qui datent de 1861 par un parcours scientifique, artistique et pédagogique qui parle à toutes les générations et qui va faire en sorte que l'on va s'amuser à découvrir comment être en meilleure santé. J'ai envie de vous poser une question. Quel est votre meilleur ami ? Ah, alors j'ai entendu un enfant dire Olivia, une petite fille dire Jacques. Mais je leur ai tous dit, non, regardez-vous et vous vous apercevrez que votre meilleur ami, c'est vous-même. D'abord, il vous écoute tout le long de votre vie. Quand éventuellement il vous dit quelque chose, vous avez tendance à ne pas l'écouter et vous comptez sur un docteur pour réparer ces petites choses. Si vous faisiez un peu de travail sur vous-même et vous regardiez les planches pédagogiques et écoutiez les conseils du docteur Gérald Kerziek, alors vous diriez, oui, c'est une machine bien rodée, mais il faut évidemment la chérir et la préserver. Alors la question n'était évidemment pas anodine, puisque dans ce parcours, on ne va pas tout en dévoiler, mais on est amené à se poser effectivement cette question. Alors c'est un parcours en 8 étapes, vous pouvez nous en dire quelques mots de ces étapes ? Bien sûr, alors la découverte du corps se passe de façon, j'allais dire, transversale, hédoniste et en même temps poétique. Et pour débuter cette rencontre avec soi-même, c'est-à-dire avec son meilleur ami, on traverse les douves du 15e siècle, on rentre dans les petites caves et on comprend là où tout a commencé, dans le cosmos. Et on comprend aussi qu'il y a des scientifiques qui nous ont permis d'avoir des découvertes extraordinaires, Fleming, Avicenne, Hippocrate, Marie Curie. Et en même temps, on apprend petit à petit que le corps, il faut le connaître. On sort des marches, on traverse, on a la maison des signatures. Et puis on traverse aussi une charpente, la charpente de Notre-Dame, qui est la découverte de l'architecture du squelette, non pas de cette cathédrale, mais en même temps de notre corps humain avec ses voiles de Léonard de Vinci, qui sont le codex, qui est le premier à avoir dessiné notre corps. On traverse un petit chemin pour arriver au corridor des sciences. Et là, c'est l'ouvrage, leçon d'anatomie, à cœur ouvert, dois-je dire, ou à corps ouvert. Et là, on découvre effectivement les planches et les grandes planches sous des formats de livres et qui nous donne à nouveau de bons conseils, des chiffres et le saviez-vous. De là, à quelques enjambées, la maison en bois qui n'est autre que la Forest School, l'école d'Erol Nature Art Education pour les petits et les grands, mais surtout pour les petits, pour qu'ils apprennent à jouer dans la nature, ne pas avoir peur de ce qui s'y passe et se concentrer car on sait que ça fait du bien de jouer dans la nature et là ils pourront jouer à satiété, rentrer dans la maison bois, continuer à jouer et découvrir tous les grands penseurs de l'éducation. Ensuite, on y a d'ailleurs appris, je vous coupe, excusez-moi, mais que un et un ne font pas deux. Bien sûr, dans la nature, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la mathématique n'est pas respectée. 1 plus 1 fait plus que 2, fait 3, fait 4, fait 5, fait l'infini. Et c'est ça la beauté de vivre dans la nature, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle nous apporte beaucoup plus qu'on l'imagine. Et donc, il faut vraiment s'y plonger, vivre avec. Et les écoles et les enfants et les professeurs, les maîtres d'école, sont invités à utiliser cette école de la nature pour leur classe. Alors ensuite, on escalade le mont Théodore, le sens de la vie, pour prendre de l'altitude, pour prendre de la distance, apprendre à respirer, mesurer son pouls et s'apercevoir effectivement que tout ça, ça coule dans nos veines. Et donc, le battement du cœur, il revient quand on arrive dans la clairière des poumons. Et là, c'est le battement des poumons, si je puis dire. Et on peut se prélasser, observer la canopée en se posant dans un filet et en même temps en respirant, en comprenant que les poumons, c'est essentiel. De là, on emprunte le chemin dans la forêt et on suit des intestins qui n'étaient autres que le bois précédemment et qui nous emmènent au cœur, un cœur bien sculpté par Réginald Roussel. Un cœur heureux est un cœur qui est dans un morceau de séquoia, est un cœur qui va nous expliquer l'importance d'avoir non pas uniquement des sentiments, mais d'avoir un cœur qui fonctionne. Et un cœur qui fonctionne, je n'ai pas gros sur le cœur de vous dire qu'on découvre des choses qu'on devrait savoir tout petit, et je pense que c'est pour ça que les tout petits, les grands doivent emprunter ceci avant de découvrir les 23 quoi ? Les 23 chromosomes. Donc le banc des chromosomes qui nous permettra de découvrir notre logiciel, ce qui fait que nous sommes tous différents. De là, on rentre dans le cabinet de consultation du docteur K et il s'y passe des choses que la raison ne me permet pas de décrire. C'est un cabinet de sciences naturelles car tous les médecins sont des naturalistes. De là, on file dans le potager de la Bourdaisière, là où il faut bien se nourrir. Et évidemment, on découvre les bactéries, on découvre les sucs gastriques au nombre de 7. Et un peu plus tard, quand on est passé à la boutique chercher l'ouvrage de Derol, le son d'anatomie, on va aller dans les caves pour 3 chambres. La chambre du bien-être, la chambre du mal-être, la chambre du sommeil. Et de là, on ira dans la chapelle anatomique. Et tout ceci avec un livret pédagogique qui vous permet, comme un jeu de pistes, de répondre à des questions. Et ce livret pédagogique, ça sera la base de ce grand voyage nature, art, éducation chez Derol et à la Bourdaisière, avant de partir avec des yeux évidemment pleins de lumière en se disant « mais j'ai compris pourquoi il faut que j'entretienne ma jeune carcasse ». J'allais vous demander si vous deviez dire à nos auditeurs pourquoi ils doivent absolument venir voir cette exposition. Je pense que vous avez répondu de toutes les manières possibles. En revanche, comment font-ils ? Doivent-ils réserver au préalable ou non ? Alors d'abord, c'est une exposition insolite dans un parc de 70 hectares, dans les caves, dans le jardin potager. C'est une exposition pour tout public et surtout pour les enfants, mais aussi pour les entreprises, parce que le sujet de la responsabilité sociale des entreprises, c'est évidemment la santé au travail, c'est le bien-être. Et donc, on en parle ici avec aussi des formations organisées par Derol. Et puis, pour y aller, il faut prendre son vélo, son cheval, sa monture, son aéronef et se poser à la Bourdaisière, à Montlouis-sur-Loire. Effectivement, c'est gratuit jusqu'à 5 ans, un peu plus cher après 5 ans. Et en même temps, on peut déjeuner au bar à tomates. Tous les mercredis, à partir du mois de juillet, il y a les journées des Olympiades. Et donc, tout le monde viendra et pourra même avoir un déjeuner bien-être au bar à tomates. Et surtout, seront pris en main par Yosi et les équipes de Day Tour pour être en meilleure santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre accueil et on souhaite un succès mérité à cette belle exposition. Et merci de faire venir tous vos amis, tous vos auditeurs et tous ceux qui pensent que finalement la santé, c'est pas si mal. Merci. C'est la fin de ce mag. Notez bien que cette expo sera visible jusqu'en octobre au château de la Bourdaisière. 13€ en plein tarif, 8€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 5 ans. Les horaires d'ouverture seront de 10h à 19h de juin à septembre et de 11h à 18h en octobre. Très bonne soirée à vous et restez bien à l'écoute des programmes sur Radioactive.